Chapitre 214. Le mérite de passer la nuit du destin, Laylatul Qadr, en prière. Allah Ta'ala dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97, versets 1 à 5. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Sourate 44, verset 3. 1189. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque passe la nuit du destin, Laylatul Qadr, en prière, avec foi et espoir en la récompense, verra ses péchés passés effacés. Al-Bukhari et Muslim. 1190. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte que certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, virent en rêve que la nuit du destin, Laylatul Qadr, se situait dans les 7 dernières nuits de Ramadan. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur dit: je remarque que vos rêves indiquent tous qu'elle est à chercher dans les 7 dernières nuits de Ramadan. Que celui donc qui la recherche le fasse au cours de cette période. Al-Bukhari et Muslim. 1191. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se retirait à la mosquée les 10 dernières nuits de Ramadan. Il disait: recherchez la nuit du destin, Laylatul Qadr, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Al-Bukhari et Muslim. 1192. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: recherchez la nuit du destin, Laylatul Qadr, au cours des nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Al-Bukhari. 1193. D'après Aisha, radiyallahu anha, lorsque venaient les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète, sallallahu alayhi wasallam, les veillait en adoration. Il réveillait sa famille, s'abstenait de tout rapport avec ses épouses et redoublait d'efforts. Al-Bukhari et Muslim. 1194. Aisha, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, redoublait d'efforts en adoration le mois de Ramadan plus que tout autre mois de l'année, et en particulier les 10 dernières nuits du mois. Muslim. 1195. Aisha, radiyallahu anha, rapporte avoir demandé au prophète, alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, imagine que je parvienne à savoir quelle est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Quelle formule dois-je prononcer? Il répondit, sallallahu alayhi wasallam: dis, ô Allah, tu es clément et tu aimes la clémence, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 1196.